Chant numéro 21. Cette soif naturelle, et qu'on n'épuise pas, si ce n'est avec l'eau dont la Samaritaine avait sollicité la faveur autrefois, me travaillait. La hâte en même temps pressait sur le chemin comblé, mais pas dans ceux du guide, et je compatissais au juste châtiment. Lorsque soudainement, ainsi que Luc écrit que le Christ apparut aux deux sur leur chemin, après qu'il fut sorti de son profond sépulcre, un esprit apparut qui venait après nous, évitant de marcher sur la foule couchée. Mais nous ne l'avons vu que lorsqu'il nous parla. « Frère, commença-t-il, Dieu vous donne la paix. » Lors, en nous retournant tous les deux à la fois, Virgile lui rendit le salut d'Antonuse et lui dit « Puisse-t-il te concéder la paix au cœur des bienheureux, ce juste tribunal qui me relègue, moi, dans l'exil éternel ?»« Comment, dit-il pendant que nous pressions le pas, si vous êtes de ceux dont Dieu n'a pas voulu là-haut, qui vous conduit si loin sur ces degrés ?» Et mon docteur lui dit « Si tu prends garde aux signes qui marquent celui-ci, tracés des mains de l'ange, tu verras qu'il peut bien régner avec les justes. Mais comme la fileuse a l'ouvrage sans fin, pour lui n'a pas encore épuisé la quenouille que Clotos élabore et assigne à chacun, son esprit, qui du tien comme du mien est frère, n'aurait pu s'élever tout seul jusqu'à ce lieu, parce qu'il ne sait pas regarder comme nous. Aussi fus-je tiré hors de la vaste gueule d'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le peut conduire ma doctrine. Mais dis-moi, si tu sais, pourquoi le mont vient-il de s'ébranler si fort? Et pourquoi tous ensemble paraissent s'écrier jusqu'au flot qui le baigne? » Sa demande avait su si bien trouver la cible de ma soif de savoir que rien que l'espérance suffit pour que l'envie en devint moins pressante. Et l'autre commença. « Ce n'est pas une chose qui survient au hasard pour rompre l'ordonnance de ce mont ou qui soit hors de saison chez nous. Les changements du temps n'ont pas de place ici. Ce que le ciel reçoit en lui comme de lui, c'est tout ce qui pourrait se produire en ce lieu. La grêle ou le frimas, la pluie ou la rosée, le givre n'ont jamais dépassé la limite que trace l'escalier composé de trois marches. On ne voit pas de nue, épaisse ou vaporeuse. Nous ignorons l'éclair, la fille de Tonas, que l'on voit si souvent changer là-bas de place. Et la vapeur aride est aussi retenue par ces mêmes gradins dont je viens de parler, et où se tient debout le vicaire de pierre. Il peut trembler plus bas, peu ou prou, je ne sais, mais quel que soit le vent qui se cache sous terre, rien ne parvient chez nous, sans qu'on sache pourquoi. S'il tremble, c'est qu'une âme enfin se sent si pure qu'elle monte, ou du moins se prépare à monter. Et tu viens d'écouter le cri qui l'accompagne. Le seul vouloir suffit à cette pureté qui, libre enfin d'aller vers une autre demeure, surprend l'âme et la rend heureuse de vouloir. Avant, sa volonté se trouvait empêchée par cet autre désir que le juge divin lui donne du tourment, comme on l'eut du péché. Pour moi, j'avais souffert pendant plus de 5 siècles la peine d'écoucher, et je viens de sentir le désir spontané d'un refuge meilleur. De là vient la secousse, et les âmes pieuses entonnaient sur le mont l'éloge du Seigneur, pour obtenir de lui qu'elle monte là-haut. Il dit, « Et comme on sent d'autant plus de désir à boire, que la soif devenait plus pressante, je ne saurais montrer combien j'en fus content. Oui, dit mon sage guide, oui, je vois le filet où vous êtes tous pris. Comment on s'en dégage? Pourquoi ce tremblement et ces hymnes de gloire? Mais fais-nous maintenant comprendre qui tu fus, et que par ton discours je puisse enfin apprendre, pourquoi tu dus rester tant de siècles couché? Du temps où, soutenu par le plus grand des rois, le bon Titus tirait vengeance des blessures par où coulait le sang qu'avait vendu Judas. Je me trouvais là-bas, répondit cet esprit. J'avais le nom qui dure et honore le plus. J'étais alors célèbre et n'avais pas encore reçu la foi. Mon chant semblait à tous si doux que Rome m'adopta, quoique né Toulousain, et me fit mériter la couronne de myrte. Le monde se rappelle encore le nom de Stas. Thèbes fut mon sujet, et puis le grand Achille, mais le second fardeau m'avait fait trébucher. Mon ardeur s'échauffait au gré des étincelles que sema dans mon cœur cette divine flamme qui donne sa lumière à mille autres poètes. Je pense à l'Énéide. Elle fut une mère pour moi, comme pour tous, nourrice en poésie, et je n'aurais écrit sans elle un sou vaillant. Et pour avoir vécu là-bas en même temps que Virgile, j'aurais accepté de payer tout un soleil de plus avant d'aller plus haut. Virgile, à ce discours, s'était tourné vers moi, et tout en se taisant, semblait dire « Tais-toi ». Mais le fait de vouloir ne suffit pas toujours, car le rire et les pleurs suivent si promptement aux divers sentiments dont chacun prend sa source, que plus on est sincère et moins on les contient. Un sourire flotta sur ma lèvre un instant. L'ombre se tut alors et chercha du regard mes yeux pour deviner mon pensée en disant « Puisses-tu voir finir heureusement tes peines ? Pourquoi sur ton visage ai-je aperçu tantôt passer comme un éclair le soupçon d'un sourire ? Me voilà maintenant coincé des deux côtés. L'un veut que je me taise, et l'autre me conjure de parler. Je ne puis qu'en soupirer. Alors mon maître qui m'entend me dit « Pourquoi crains-tu de lui parler ? Tu peux lui répondre et lui dire ce qu'il t'a demandé sur un ton si pressant. » Je répondis alors, « Tu t'étonnes sans doute de ce petit sourire, ô vénérable esprit, mais tu seras bientôt encore plus étonné. Celui-ci, qui guida mon regard vers le haut, est Virgile, celui de qui tu dis tenir le pouvoir de chanter les hommes et les dieux. Si tu crois que mon rire avait d'autres raisons, rien ne serait moins vrai, sois-en persuadé, ce n'est que pour les mots que tu disais de lui. » Il s'inclinait déjà pour embrasser les pieds de l'illustre docteur. Mais celui-ci dit, « Frère, laisse, tu n'es qu'une ombre, et moi j'en suis une autre. » Et l'autre en se levant, « Tu peux donc mesurer la grandeur de l'amour qui m'attache à ton nom, puisqu'ayant oublié notre commun néant, je prétendais traiter l'ombre comme le corps.